tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Vivre sans sexualité, une série d'Ovidie et Tancred Ramonet réalisée par Séverine Cassard. Au départ de cette série, il y a 2 documentaristes qui tentent une expérience et qui se demandent si la sexualité est aussi essentielle qu'on le dit. Mais d'abord, pourquoi est-ce que ça semble si anormal que la sexualité s'absente? Alors pour commencer, les personnages. Une chanteuse qui a renoncé, une autrice qui a sublimé, 2 amis qui s'interrogent, une asexuelle qui raconte, un sexologue qui compte, un anthropologue qui déplie, une podcasteuse qui assume et une performeuse qui fait autrement. Ensuite, le décor. Des massages, de beaux avant-bras, Cary Grant, des fêtes, des questions, du thé et des gâteaux, du porno, du tantrisme et trop de pression. Et bien sûr, comme on parle de sexualité, merci d'éloigner les oreilles les plus sensibles. Aujourd'hui, 2e épisode, on ouvre ses oreilles. Il faut savoir qu'on se sent, j'ai réglé cette question, mais on peut se sentir un peu nul quand on fait pas l'amour. C'est comme si vous alliez au sport d'hiver avec des gens, puis vous, vous savez pas ce qu'il y a, vous voyez, vous vous sentez nul en fait. Je me souviens d'une soirée où je discute avec quelqu'un et très tard on commence à parler d'histoire de couple et là je lui dis ben moi je suis pas intéressée par tout ça. Et vraiment sa réaction ça a été mais c'est dommage que tu renonces à tout ça. Je venais de lui dire je ne suis pas intéressée. Et lui entend ça en termes de renoncement alors que moi j'étais en train de dire non c'est un sujet qui n'est pas important pour moi. L'absence de sexualité, une anomalie sociale. Un documentaire d'Ovidie et Tancred Ramonet. Le corps d'une femme, l'IO, le désir féminin, quel tabou est-ce que c'est encore aujourd'hui dans notre société? France Inter, 11 septembre 2020. Ben moi je le connais pas, parce qu'en fait il a été hypothéqué, forclos, par le désir des hommes à qui j'ai voulu plaire, parce qu'ils prennent toute la place. Et je suis en abstinence, parce que ça fait déjà depuis mes 50 ans, je ne couche plus. Je ne veux plus de ça, je ne veux plus de ce rapport-là avec mon corps aux hommes et on demande toujours une rétribution trop trop forte à la femme. Allô ? Salut Tancred. Salut Ovidie, ça va ? Ça va. Est-ce que tu as écouté l'interview de Lio chez Augustin Trapenard sur France Inter? Ouais, je viens de l'écouter là. D'ailleurs, je voulais t'appeler. C'est dingue, non? Ouais, enfin, c'est pas si dingue. Ce qui est dingue, c'est qu'elle le dise publiquement. Moi, j'ai l'impression que beaucoup de femmes arrivées à son âge sont confrontées à ce problème et adoptent cette attitude. Hein. Ma mère, par exemple, elle est comme ça. Ouais, mais alors là, je pense que tu te trompes. Je pense pas que ce soit qu'une question d'âge. D'ailleurs, elle le dit très bien. Hein. C'est une personne qui a été très sexualisée dans sa carrière. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bah, elle nous dit quelque part que c'est un peu du flan, tout ça. Moi, c'est ça qui me perturbe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je le voyais pas comme ça. Et tu sais, ça m'a fait penser à autre chose. Il y a une dizaine d'années, Sophie Fontanelle, elle s'était aussi exprimée sur le sujet. Elle avait écrit un roman qui s'appelait L'envie, où elle racontait son absence de sexualité. Je pense que ce serait intéressant d'aller la voir. Eh oui, non, ouais, je savais pas. On devrait aller la voir. L'envie, ça s'étale sur 12 ans. Et dans la vraie vie, vous, en fait, ça fait combien d'années? Au moment où j'écris l'envie, j'ai déjà 48 ans, je crois, un truc comme ça. Au moment où j'écris l'envie, je vais après refaire l'amour. Mais pendant si peu de temps, si vous voulez, que... Est-ce que ça compte, quoi? Et avant, je ne l'avais pas fait depuis... Je sais pas, je dirais une vingtaine. Je sais même pas si je suis juste en disant ça. Je le fais vraiment à la louche. C'est juste pour vous dire que j'ai pas compté. En vrai, j'ai fait l'amour dans ma vie au milieu d'énormes moments où je ne le faisais pas. Et quand je le faisais, comme ça ne me faisait ni chaud ni froid, je me disais même pas que je remettais une pièce dans la machine, comme me disait une copine. C'est-à-dire que mon plaisir, il est pris à l'avance, en fait. C'est-à-dire que je suis... j'écris des poésies, j'écris beaucoup, très facilement. Donc, en fait, j'ai déjà une espèce de libido, rien que par l'écriture. J'aime les vêtements, j'ai un rapport extrêmement sensuel, et ça, j'en ai fait mon métier. Je suis critique de mode. Donc, en fait, Le plaisir, il est pris. Et moi, quand je vois le profil d'un bel homme à une terrasse de café avec son avant-bras, bon, moi, je suis hétérosexuelle, encore que, si ça se trouve, dans la vie, j'aurais des surprises, mais bon, jusqu'à preuve du contraire, je suis hétérosexuelle. Quand je vois cet avant-bras de cet homme, je suis bien contente. C'est pour ça que j'adore regarder Cary Grant dans les films. Bon, moi, ça me suffit, en fait. Si vous voulez, cette fameuse phrase qu'on raconte tout le temps, là, le plus beau moment dans l'amour, là, soi-disant de Clémenceau, d'ailleurs, sans doute de Clémenceau, le plus beau moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Moi, j'ai beaucoup de marche à mon escalier, quoi. Et ça fait une vie assez heureuse, croyez-moi. Est-ce que c'est une forme de sublimation de déplacer votre libido comme ça vers l'écriture, la mode? Est-ce que pour vous, c'est ça? C'est une sublimation? Oui, c'est totalement une sublimation. J'ai été abusée quand j'étais, comme on dit maintenant, hein, moi, j'ai mis des années, j'ai 58 ans, à dire viol. J'ai été abusée quand j'avais entre 15, 16 ans, par là. Et si je n'avais pas sublimé, déjà que ça a stoppé chez moi beaucoup de choses, concrétisation physique, ben, si je n'avais pas sublimé, ben, je serais morte, en fait. Ben, je me serais pendue. Est-ce qu'à un moment de votre vie, vous avez vécu une sexualité dite normale, ou en tout cas régulière, hétérosexuelle ? Oui, j'ai eu cette sexualité. Maintenant, elle était normale avec une petite limite, c'est que soit j'arrivais à prendre un plaisir, mais je n'étais pas amoureuse, soit j'étais amoureuse, et en fait, ça ne se faisait pas. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui concernait l'apprentissage quand même, de savoir comment on jouit, tout ça, j'ai pu le faire, mais ça m'a désintéressée, puisque je n'arrivais pas à l'associer à l'amour. Donc à un moment donné, je m'en suis désintéressée. Peut-être des gens qui peuvent vivre comme ça, mais moi non. Et ce qui me paraissait supérieur, qui était quand même d'aimer, eh ben là, ça n'aboutissait jamais à un acte sexuel. Vous arrivez finalement à vivre des histoires d'amour avec des hommes qui ne vous poussent pas, de leur côté non plus, à passer à l'acte. C'est exactement ça. Mais j'ai mis tant de temps à comprendre. En fait, mon rêve, comme je pense beaucoup de gens qui ne font pas l'amour, c'était que nous puissions être nus dans un lit, qu'il y ait quelque chose, enfin, qu'il y ait une espèce d'incroyable douceur qui amène à la sexualité. Quand je vous dis ça, vous dites « bah oui, mais c'est toujours comme ça ». Bah moi, ça n'a jamais été comme ça, en fait, dans ma vie sexuelle. Parce que j'ai eu un acte violent jeune, et ensuite j'ai reproduit la violence de cet acte jusqu'à m'arrêter. Est-ce que vous en avez déjà parlé à un psy, de cette absence de désir ? Oui, j'en ai parlé à des gens, des psychanalystes. D'abord, une amie qui faisait une formation pour être psychanalyste, donc elle avait fait une analyse didactique. Et un jour, elle a eu un mot qui m'a effrayée, alors que maintenant, j'en ai plus peur. Elle m'a dit « Tu as sans doute un caractère phobique. Tu as une phobie du sexe. » Personne n'a envie d'avoir une phobie du sexe. En fait, elle mettait le doigt exactement sur peut-être une manière de me définir suite à des choses qui me sont arrivées dans l'adolescence. Mais sauf que dit comme ça, j'avais l'impression qu'on me mettait dans une catégorie, alors que moi, j'essayais de faire de ce qui m'arrivait une liberté. Et tout d'un coup, on m'enlevait la liberté en me catégorisant. Et après, j'en ai parlé à un psychanalyste que j'allais voir pour voir si on pouvait entreprendre un travail. C'était un cador de la psychanalyse. Et il m'a écouté. J'arrivais pas bien à dire, forcément. C'est la première séance. Alors il m'a dit, vous n'appelez pas un chat, et vous n'appelez pas une chatte. Alors moi, de mon côté, je ne sais pas si j'ai envie de vous prendre. Et j'ai trouvé toutes ces phrases, j'ai trouvé qu'elles n'allaient pas. Je lui ai écrit après, parce que j'ai quand même mon petit caractère, que j'avais réfléchi de mon côté, comme lui, et que j'avais pas du tout envie d'être prise par lui. J'avais une phobie de lui. Au moment où votre roman L'Envie est publié, c'est une forme de pavé dans la mare, puisqu'il y a très peu de littérature sur le sujet, en tout cas à ce moment-là. Ça sort à un moment où la société est vraiment sexualisée, où on trouve du sexe partout, jusque dans les abribus. Quelle a été la réaction du public, de vos lecteurs, de la critique ? Parce que c'est un texte qui nageait à contre-courant. Je m'en souviens si bien que je sais que c'était un 25 août. Mon livre sort, je suis invitée sur RMC avec Bourdin. Et à l'émission, On me parle en me disant que j'ai un grand courage, que c'est extraordinaire. Je viens expliquer quelque chose qui m'est arrivé, qui est tellement insolite. Et le standard explose. À peine j'explique que j'ai arrêté de faire l'amour, tout le monde appelle en disant « Quoi ? Elle dit que c'est que 12 ans, mais moi ça fait 25 ans, etc. » Moi, après, il y en a qui disent « Moi, j'ai jamais fait l'amour. » Et tout d'un coup, on se rend compte que ce truc insolite là, qui me concerne, ça concerne énormément de gens. Des gens mariés qui font plus l'amour, des gens qui l'ont jamais fait même. Alors moi, ça a monté mon livre à un niveau de succès fantastique. C'est allé dans les meilleures ventes, il a été traduit en anglais. Et je me suis pas dit « Ah, c'est génial, mon livre se vend bien ». Je me suis dit un peu, mais surtout, je me suis dit « Mais ça veut dire qu'en fait, il y avait un besoin pour les gens d'entendre ça. » Encore maintenant, les gens m'en parlent. Avec le temps, les hommes ont parlé. Alors souvent, des hommes, par exemple, qui m'interviewaient, me disaient « J'ai beaucoup aimé votre livre, et puis vous savez, voilà, il n'y a pas que les femmes. » Et tout d'un coup, ils me racontaient des périodes. Alors, c'était soit des périodes où ils n'avaient plus fait l'amour, en étant seul. Un homme m'avait raconté que c'est pas si évident, parce qu'il ne voulait pas partir à la chasse, et il ne rencontrait personne. Et puis, il s'est rendu compte que, ben, en fait, il était assez heureux. Des gens qui sont en couple, qui me disaient... En fait, on a fait l'amour les 4 premières années de notre mariage. Puis après, ça fait 20 ans qu'ils ne font plus l'amour. Ils ne vont même pas voir ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, la société, elle a bien compris que dans un mariage, les gens ne faisaient pas tant l'amour que ça, voire plus du tout, à condition que l'homme aille voir ailleurs, ou la femme, elle a un amant. Enfin, et là, tout d'un coup, l'homme disait, ben non, en fait... À chaque fois, ce n'était pas que ça ne les intéressait pas, exactement comme moi. C'est qu'ils ne voyaient pas... Il trouvait ça grotesque, en fait. C'est l'impression que j'ai eue de tous ces témoignages. Vous avez énormément de couples qui sont abstinents. Philippe Brenon, psychiatre, anthropologue et sexologue. Moi, j'estime que sûrement... Peut-être un tiers des couples ne font pas l'amour. Alors, on va pas appeler ça abstinence. Quand je dis un tiers des couples ne font pas l'amour, c'est zéro ou quelques fois par an. Des couples qui ne font pas l'amour du tout pendant des années, on en voit tous les jours. Mais ils vont jamais parler d'abstinence. Dans la mesure où il y a autre chose dans la relation, parce que s'ils restent ensemble, c'est qu'il y a un lien, souvent, eh bien, c'est pas parler comme une abstinence. Si on se place il y a un siècle, est-ce qu'on parlerait de frustration ? C'est-à-dire, c'est le décalage entre l'image qui est donnée de la sexualité et ce qui est vécu. Et aujourd'hui, il y a quand même une image médiatisée qui est... On avait parlé pendant un temps de la sexualité des magazines. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est optimisé et qui fout des complexes à la plupart des gens. Il y a même des couples qui viennent consulter qui ont une sexualité, il n'y a pas de normal, mais qui n'a rien d'extraordinaire dans un sens ou dans l'autre, et qu'ils vivent très mal parce que ce n'est pas la sexualité idéalisée que je lis, que je vois, que j'aimerais. On ne baisse pas comme je le vois dans des films spécialisés. Notre tombé amoureux n'a rien à voir avec celui que je viens de lire, et ainsi de suite. Ce qui nous est raconté, ce qui nous est dit, ce qui est pensé aujourd'hui, c'est que si la sexualité fonctionne pas trop, ça serait pas normal. Ben si, c'est normal qu'elle marche pas bien. Je suis mariée. Est-ce que j'ai le droit d'arrêter d'avoir des rapports sexuels avec mon mari ? Que dit le droit français à ce sujet ? Daniel Borio, juriste, spécialiste du droit des sexualités. Normalement, si vous êtes d'accord, vous deux, et qu'il n'y a pas des rapports sexuels, ce n'est pas si légal en fait. Le problème peut survenir du moment qu'il y a un problème de divorce. Puisqu'il s'agit d'une obligation du mariage, on ne peut pas déroger pour des raisons valables. Évidemment, s'il y a une des parties qui est malade ou qui est dans la possibilité d'avoir des rapports sexuels, tout cela ne s'applique pas. Mais si volontairement l'une des parties décide de ne pas avoir des rapports sexuels et cela rend insupportable la vie commune, l'autre partie peut demander un divorce pour faute et peut même demander un dédommagement, ce qui était le cas dans une affaire qui est arrivée à la cour d'appel de Aix-en-Provence, où la femme a obtenu un dédommagement de 10 000 euros pour le refus volontaire du mari de ne pas s'entretenir de rapports sexuels avec elle. Que dit la loi exactement ? Est-ce que le terme devoir conjugal est employé ? La loi ne dit rien. Il s'agit d'une interprétation de la jurisprudence déduite donc de l'article 212 du Code civil et de l'article 215. L'article 212 parle de l'obligation de fidélité et l'article 215 parle de la nécessité d'une obligation de communauté de vie. Mais dans le Code civil, il n'y a pas ni le mot obligation conjugale, ni le mot expressis verbis d'obligation des rapports sexuels. C'est une interprétation de la jurisprudence. Alors ça, c'est pour le droit aujourd'hui, mais est-ce que par le passé, dans le droit français, cette question des rapports sexuels ou du devoir conjugal était mentionnée quelque part ? Historiquement, c'était mentionné par les droits canoniques. À la fois, l'obligation de fidélité apparaît en droit canonique comme une obligation morale, et également l'entretien des rapports sexuels apparaît en droit canonique, c'est-à-dire les droits de l'Ancien Régime, comme une obligation qui est déduite de la finalité du mariage de avoir des enfants. C'est-à-dire que c'est par rapport à la finalité reproductive du mariage, sa fonction principale étant la filiation et la reproduction, bien évidemment le rapport sexuel très normé, puisque même aujourd'hui, certains rapports sexuels ne peuvent pas être obligatoires, comme par exemple la sodomie, le sadomasochisme, certaines fantasies sexuelles sont considérées comme des rapports qui ne rentrent pas dans l'obligation des communautés de vie. Par exemple, si une des parties veut avoir des rapports sexuels pas conventionnels, l'autre partie peut refuser d'y s'y soumettre. Est-ce que cette histoire d'obligation matrimoniale, c'est une spécificité franco-française ou est-ce qu'on retrouve ça ailleurs ? Traditionnellement, donc, les devoirs conjugaux existaient dans tous les systèmes juridiques occidentaux. Aujourd'hui, uniquement la France a gardé à la fois l'obligation de fidélité et la notion de faute, parce que tout le problème, c'est la notion de faute dans les cas des divorces, évidemment, pas par commun accord. Eh bien, cette notion de faute demeure également en droit français, alors qu'elle est disparue de tous les systèmes juridiques occidentaux. Donc, de ce point de vue, la France a un retard par rapport aux droits modernes, y compris les droits modernes des pays proches comme le Portugal, l'Espagne ou l'Italie. C'est encore une journée qui passe, une journée sans baiser. Faut-il vraiment que ça se passe? Une journée sans baiser. Pourquoi pas une nuit sans lune? Pourquoi pas la mer sans les dunes? Pourquoi pas les yeux sans visage? Comment, comment, comment? Comment, comment, comment? Bah tu vois, moi, j'ai arrêté la sexualité pour les besoins de la série, mais en réalité, ça me manque pas tant que ça. En fait, quand je réfléchis bien, je pense que ça fait 2 ans que j'ai plus très envie d'avoir de rapports hétéro. Je crois que je suis pas très loin de 2 ans. Si on parle vraiment sur un plan pénétration et contact génital, je pense que je suis pas très loin de ça. Après, c'est quoi baiser et c'est quoi la sexualité ? Juliette Dragon, fondatrice de l'école des filles de joie. Est-ce que baiser, c'est forcément mettre le truc dans le machin, comme disait une copine à moi ? Ou est-ce que faire du tantra, du BDSM, des tas de pratiques qui, à mon sens, peuvent être génitales, enfin peuvent être sexuelles sans être génitales ? C'est peut-être déjà de la sexualité, mais c'est une vraie question. Donc en fait, ça fait 2 ans que t'as pas de génitalité, enfin de rapport impliquant une génitalité. C'est plutôt ça ce que tu veux dire ? Pour moi, ça se rapproche de ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que plus je m'informe sur la littérature féministe, plus je développe mon cerveau et plus j'ai du mal à me faire pénétrer concrètement par un homme. J'ai de plus en plus d'interrogations sur la possibilité de mêler agréablement féminisme et hétérosexualité. Je trouve que c'est de plus en plus compliqué. Une hétérosexualité très normative, ça m'intéresse de moins en moins. Je ne dis pas que j'aime plus ça, que j'aimerais plus jamais ça. J'ai un partenaire qui est fantastique, on en parle énormément tous les deux, et il reconnaît lui-même que c'est compliqué. Je pense que j'ai suffisamment fait de sexe hétéronormée dans ma vie pour être dosée jusqu'à la fin de mes jours. Et maintenant, si je fais du sexe avec quelqu'un, j'ai envie que ce soit excitant aussi intellectuellement. Alors pas que intellectuellement, hein, bien sûr. La chair est faible et précieuse, mais j'ai envie d'une connexion, d'une présence et le juste espèce de d'emboîtement comme un jeu de construction d'enfant avec ça s'emboîte comme des prises électriques et on m'explique que c'est ça qui est naturel et c'est formidable. J'espère que l'humain, à notre degré de civilisation qui se veut tant supérieur à l'animalité, est capable de produire des choses un peu plus fantasmagoriques quand même aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on peut réinventer le rapport intime et en tout cas la pénétration, même si elle est délicieuse, à mon sens, ne suffit pas. Et je pense qu'on peut avoir énormément de plaisir sans génitalité. Enfin, personnellement, j'ai déjà joui de la cuisse et de la clavicule, et maintenant, j'ai envie de jouir de partout, et pas forcément qu'avec mes parties génitales. Comment ça, t'as joui de la cuisse et de la clavicule ? Je crois que mon plus bel orgasme à ce jour, c'est en faisant un massage tantrique, et j'ai eu un orgasme qui a duré avec un vrai plateau climax de 20 minutes, et entre la montée et la descente, un vrai 40 minutes d'orgasme suprême, et c'était du tantra, c'était pas génital, et c'était dans la cuisse. Et après, ça s'est diffusé un peu comme une explosion nucléaire dans tout mon corps et au-delà. J'ai eu l'impression de voir les planètes et le système solaire. C'est-à-dire que c'est des expériences qui, moi, me donnent envie d'explorer ça plus loin que de revenir à une forme phallique dans un trou. Je pense qu'il y a plein d'autres trucs à faire, quoi. En tout cas, ça m'amuse beaucoup plus. Il y a quand même quelque chose qui peut sembler paradoxal de prime abord, c'est que toi comme moi, on a toutes les deux montré notre corps, on s'est toutes les deux revendiquées féministes pro-sexe ou sexe-positives, on a toutes les deux exercé une forme, comment dire, d'éducation sexuelle aussi, et pourtant on baisse plus. Alors il y a peut-être des personnes qui vont nous dire que c'est une histoire de cordonnier. Tu vois. Ce serait un vrai argument. Alors après, t'as l'autre vanne qui est « Ah oui, mais vous voulez pas ramener du travail à la maison ?» Et pourtant, je crois pas. Je crois que... Alors peut-être qu'on a trop intellectualisé la chose. Et que si on arrête de réfléchir, on peut faire le bonobo. Hop, hop, c'est fini et puis on règle tous les conflits. Ça a l'air d'être très satisfaisant dans la société bonobo. T'as essayé de ravoir un rapport hétéro de base récemment ? Alors, j'ai des rapports de séduction et j'ai assez vite l'impression, quand je flirte, que j'ai déjà fait le tour de ce qui risque de se passer derrière. C'est-à-dire que tu flirtes et alors quoi ? On flirte et c'est assez facile de se dire qu'on va se retrouver dans une intimité, que ce soit une chambre d'hôtel ou la chambre de l'un ou de l'autre. Et alors quoi ? Fellation et un petit peu de sexe oral pour une pénétration et puis une éjaculation. Et je vais quoi ? Je vais me finir dans les chiottes parce que... Si je me masturbe devant ce partenaire que je ne connais pas, ça peut le choquer. Parce qu'il y a des hommes que ça choque, hein, de voir leur partenaire se masturber. Non, mais j'ai plus envie, en fait. J'ai l'impression que le script, il est déjà tellement écrit et répété que j'ai une sensation d'avoir fait le tour. Enfin, c'est peut-être très présomptueux de ma part, mais des partenaires étonnants, aujourd'hui, ça se fait rare, quoi. Il faut quand même y aller en créativité, hein, pour me donner envie de passer le pas. Hein. C'est quand même souvent consternant d'ennui, la proposition. Parce que je pose des questions, je dis « Alors, et donc, si on dit sans pénétration, qu'est-ce que tu proposes ?» Alors déjà, il y a un vide abyssal, un silence dans la conversation qui se fait. Et le garçon hétérosexuel répond « Oh, mais moi, je vais honorer ton clitoris comme un temple sacré de ta féminité, je sais pas quoi, bref. » Et je fais « D'accord, et alors, au-delà du clitoris, tu as d'autres propositions ?» Et là, deuxième grand silence, encore plus abyssal que le premier. Et non, il n'y a pas d'idée de ce qu'on pourrait faire d'autre. À part titiller un clitoris, comme j'imagine qu'il a envie qu'on lui titille le gland. J'imagine que c'est ça, hein, son truc. Et j'ai l'impression, parfois, je ne dis pas que j'ai raison, hein, c'est des réflexions que j'ai de temps en temps, que se contenter dans la sexualité, d'avoir une sexualité pénétrative, ça entérine la domination de l'homme sur la femme. Ce que j'aimerais trouver, c'est une sexualité sans domination. Et c'est ce que je trouve plus en tantra, c'est-à-dire être face à face, présent, à l'écoute l'un de l'autre, à respirer ensemble, à s'entendre, à se connecter l'un à l'autre. Alors peut-être qu'il faut un petit peu de spiritualité pour ça, et que c'est pas très en vogue aujourd'hui, je le reconnais. Mais le principe du pénis qui rentre et qui sort de manière frénétique, avec ce frottement parfois irritant, je vois plus vraiment l'intérêt. Je te trouve bien silencieux, Tancred. Non, non, mais alors, je vais vous dire, moi je trouve ça super rassurant en fait. Il y a quelque chose de, qui peut sembler agressif en fait contre la sexualité masculine, parce que effectivement on est comme ça. Mais il y a quelque chose aussi de très rassurant, parce que ça casse cette injonction à la virilité, cette l'angoisse de la sainte érection qu'on doit avoir. Et donc, d'imaginer que, en fait, on peut prendre du plaisir et en donner autrement. Bon, surtout maintenant, moi, à l'âge auquel je suis et où ces questions-là quand même se posent de plus en plus fortement, il y a quelque chose d'hyper rassurant dans cette deuxième partie de vie où je me dis, bon, ben, si j'ai des problèmes d'érection, ben, c'est pas grave. En réalité, les filles sont même demandeuses d'autres formes de sexualité. Tiens, regarde ce qu'Olympe de G a posté sur son compte Twitter. Vendredi 12 mars, je commence une grève. C'est une grève mue par une impulsion très personnelle. Mais peut-être que d'autres femmes s'y reconnaîtront. Je fais la grève de l'hétérosexualité. C'est fort, non? Je fais la grève de l'hétérosexualité. Tu vois qui c'est, Olympe de G? Non, pas bien. Olympe de G, c'est la fondatrice du podcast Vox, qui est une sorte de podcast érotique en ASMR un peu. Et elle est aussi réalisatrice de porno féministe, éthique. Mais c'est quand même vachement intéressant que elle, qui justement travaille dans la sexualité, écrive ça. Je fais la grève de l'hétérosexualité. Cet épisode, c'est un fantasme que je partage avec toi. J'ai improvisé en m'inspirant à l'instant T de mon ressenti physique et mental. J'espère ne pas heurter ta sensibilité en exprimant la mienne. Vox. Vox, c'est un podcast qui invite les personnes qui ont une vulve à des séances de masturbation guidées, qui s'inspirent de la pleine conscience. Et mon conjoint a rejoint le podcast que j'ai fondé avec Lélé, qui est la voix star de Vox. Je me rappelle que la première fois que j'ai entendu la voix de Lélé, bah, c'était difficile de lutter contre une excitation, quoi. Et maintenant, mais alors, boum, c'est même pas l'idée, c'est toutes les voix qui me... Mais oh là là, ça me laisse froide, quoi. Et tant mieux, parce que c'est beaucoup plus simple pour travailler. Vox, invitation au plaisir pour Clito Audiophile. En régime de croisière, je suis pas quelqu'un qui a besoin de... ou envie, tout simplement, de rapports ultra fréquents... Alors, il y a des phases où la sexualité avec moi-même reste nécessaire, et il y a des phases où pas du tout, où là, j'ai même pas envie, besoin de ça, où je teste un peu pour voir, et je me rends compte que franchement, ça me... Enfin, voilà, j'ai eu longtemps une croyance assez magique que le fait d'avoir des orgasmes permettait d'être mieux avec soi-même, notamment pour moi qui suis une grande anxieuse, de lutter contre l'anxiété, etc. Je me rends compte qu'en fait, faire une bonne séance de sport, voilà, c'est tout aussi bien. Du coup, je me pousse plus du tout à la masturbation. Quand je traverse ces phases-là, je fais plus du yoga ou des choses comme ça. Dans le cadre de la sexualité partagée, il demeure l'envie en fait d'être proche de son conjoint, pour moi, enfin d'être proche physiquement, mais pas forcément de façon génitale. Et donc moi, quand je suis en phase d'hyposexualité, j'ai besoin de beaucoup de sensualité, pour éventuellement avoir envie de passer à une sexualité plus traditionnelle qui implique les organes génitaux. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué la plupart du temps avec des partenaires mecs. Ça peut être demander trop d'efforts en fait, tout simplement. On a été, toi comme moi, sexualisés, on va dire. Puis on a travaillé sur un format, un médium qui n'est pas neutre, hein, qui est celui de la pornographie. Comment tu vois les choses? Est-ce que ce n'est pas paradoxal, finalement, d'être une femme sexualisée par les autres et en même temps d'être soi-même plutôt hyposexuelle? Je ne sais pas. Pour moi, en fait, le porno, pour moi, ça a vraiment été une quête d'acceptation de moi-même. Et en fait, j'ai eu un vrai syndrome de l'imposteur, enfin, en me disant, mais comment je peux être une bonne réalisatrice de porno si, en fait, je suis dans une phase de ma vie où je n'ai pas de sexualité? Enfin, c'est compliqué, quoi. pour moi, le porno, enfin, écrire sur le sexe, penser le sexe, lire sur le sexe, enfin, c'est vraiment, en fait, c'est plus une culture qui m'aide à, moi, me comprendre, m'interroger et à ouvrir des sujets que je trouve peu abordés, en fait. Que le sujet soit moins tabou et que les gens qui sont aussi hyposexuels puissent faire la paix avec ça. Et du coup, je trouve ça logique que ce soit encore le porno qui me pousse à m'interroger sur bon, mon hyposexualité. T'as des questions? Oui, moi j'ai une petite question. Cette hyposexualité, elle était là avant que tu fasses du porno ou elle est la conséquence du porno? Ben, je crois que ni l'un ni l'autre, en fait, parce que depuis que j'ai eu des partenaires à moyen ou à long terme, je me suis rendu compte que une fois que les hormones de la rencontre, de l'excitation, de la découverte et tout retombait, je reprenais en fait une sexualité où le désir était plutôt dans les chaussettes la plupart du temps, quoi. Et quand je me suis lancée dans le porno, eh ben, il y avait ces hormones de la découverte qui étaient là en permanence. Enfin, j'étais stimulée en permanence par des expérimentations, par des rencontres nouvelles. Et donc, pendant un laps de temps de 2-3 ans, j'ai été plutôt dans l'hypersexualité. Et je me suis dit du coup que j'avais surmonté mon hyposexualité. Et oui, j'ai cru que le problème, entre guillemets, le problème, hein, parce que c'est comme ça que je le percevais à l'époque, était résolu. Et en fait, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Je redeviens moi-même, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a, enfin, dont le sexe n'est vraiment pas la préoccupation principale, en fait. Et ça, voilà, c'est une acceptation récente. C'est aussi une acceptation qui est un travail qui, je dois dire, est fait en couple, parce que il y a comme un arrangement tacite dans le couple pour que ce soit la partenaire femme qui porte le poids de la culpabilité d'une vie sexuelle qui devient moins aventureuse, moins abondante. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment ça dans mes relations passées avec des hommes. Et j'ai fait en sorte, dans les relations que j'ai eues après le porno, parce que cette dynamique, elle se met en place inévitablement. Hein, quand je ressentais cette dynamique, en fait, de tout de suite en parler. Commencer par exemple par désamorcer toutes les phrases genre « on fait jamais l'amour ». Si, on fait l'amour, on le fait juste rarement. C'est pas du tout pareil que jamais faire l'amour, déjà. Et ensuite, interroger aussi la libido de mon partenaire. Et toi, est-ce que tu ressens l'envie, si on en parle sincèrement? Pourquoi est-ce que quand je te dis que ça me ferait du bien, t'as pas forcément envie de le faire? Enfin, si t'étais si motivée, tu ferais peut-être l'heure de massage dont j'ai besoin pour me chauffer. Donc voilà, tous ces petits trucs, en fait, j'ai vachement appris à les repérer, à en parler. Et du coup, ça crée, dans le cadre de la relation, une façon plus apaisée et conjointe de gérer l'hyposexualité. Là, par exemple, si je devais me projeter de nouveau, chose qui me paraît totalement inconcevable, mais dans un avenir de rencontre à nouveau hétérosexuelle, je pense que maintenant j'en serais au stade où j'annoncerais le truc avant même, enfin, de rencontrer la personne, quoi, ou au premier rendez-vous. Parce que j'en suis à ce stade-là de, voilà, c'est comme ça et pas autrement. Mais c'est vrai que tant qu'on est en lutte avec soi-même, on n'est pas en capacité de faire ça. Parce qu'on essaie de changer. On essaie de se battre contre sa propre nature, au final. Il y a une espèce de fatalité, on dirait, au fait d'avoir fait du porno, qui fait que on se détache petit à petit de sa matière. Elle, comme toi, ben, vous avez des sexualités pratiquement à l'arrêt, comme si c'était un peu les cordonniers les plus mal chaussés, quoi. Oui, alors que finalement, elle explique bien, c'est pas le porno qui l'a amenée à ne plus avoir de sexualité. Elle était déjà hyposexuelle avant. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, moi, c'est un peu pareil, hein, que du plus loin que je puisse m'en rappeler, j'ai toujours été, en tout cas par phase, hyposexuelle. Oui, parce que toi, en plus, t'as été straight edge, non? C'est ça qui veut dire ton cœur avec les petites croix là que t'as tatouées sur l'épaule, non? Mais ouais, j'ai été straight edge dès l'âge de 16 ans et j'ai toujours les tatouages, ouais, je les efface pas parce que, en fin de compte, je le suis toujours un petit peu, en quelque sorte. Philippe Lyotard, anthropologue. Straight Edge, c'est un mouvement, un courant qui vient de la musique punk, qui se définit par rapport à une logique straight, c'est-à-dire une logique qui consiste à adopter un comportement droit et qui va justement s'appuyer sur le fait de ne pas recourir à la drogue, à l'alcool, à l'alimentation animale et au sexe. Alors il y a des symboles assez simples, par exemple une croix qui consiste à... Alors c'est aux États-Unis, on n'a pas le droit, on peut pas aller dans un bar si on n'a pas 21 ans par exemple. Et donc il y avait des marquages comme ça sur la main qui ont servi d'appropriation symbolique pour dire nous c'est avec ça, on marque ni sexe, ni alcool, ni drogue. Parce que c'est vraiment une affirmation forte de l'appartenance à un courant. On passe d'une pratique personnelle intime à la revendication de cette pratique, et non seulement à sa revendication, mais à la volonté de l'affirmer et de la développer. Et puis, il y a eu ensuite une reprise de ces chansons, une reprise de cet idéal qui s'est constitué en philosophie, en fait. Une philosophie qui, justement, est une philosophie, non pas du renoncement, parce que ça pourrait être ça, je renonce à l'alcool ou je renonce à la drogue, mais une philosophie que moi, je vois plutôt comme une philosophie de l'ouverture et de la maîtrise de la conscience. Quand tu fais une soirée et que tout le monde est défoncé à côté, toi, t'es le seul à être encore lucide, t'es le seul à savoir ce que tu fais. Alors après, dans le straight edge ou dans cette mouvance, il y a des choses qui sont plus ou moins acceptables. Autant l'alcool, la drogue, c'est assez acceptable. Socialement, c'est bien, c'est mieux de ni se droguer ni de boire. En revanche, il y a deux autres problèmes qui vont être posés. Il y a la question du véganisme et l'absence de pratiques sexuelles. Le fait de dire, nous renonçons aussi à la sexualité, au sexe. Parce que se priver de sexe, ça renvoie dans l'environnement punk, justement, qui est un environnement plutôt individualiste, qui va vers on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, avec qui on veut, le DIY, do it yourself, etc. Le fait de revendiquer l'absence de sexualité, ça renvoie plutôt à l'hyperdiscipline du corps. Et là, ce qui pose problème dans les débats qu'il y a eu autour de la privation de sexe dans le straight edge, c'est ça, c'est-à-dire que c'est en rupture forte avec les représentations dominantes. Et je crois qu'il y a une incompréhension, une difficulté à comprendre le fait de volontairement, là je suis sur le volontairement, renoncer à la sexualité. Pourquoi volontairement renoncer à la sexualité dans le cadre de ce mouvement ? Parce que si on reprend les paroles de Minor Threat, qui sont vraiment les paroles fondatrices du mouvement, la suite des paroles c'est « oui mais au moins je peux penser ». C'est ça, c'est cette idée que boire et même baiser finalement empêche la pensée. C'est la lucidité, oui. Et on le retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs, chez les jeunes militants qui ont moins de 25 ans, moins de 30 ans là aujourd'hui, qui sont dans ces logiques où effectivement il y a une volonté d'être hyper clean, pour être vigilant. Ce qui passe aussi par une régulation de la sexualité. Le fait par exemple de réguler la sexualité dans le groupe, ou même d'avoir des positions en disant la sexualité, ça te coupe du combat. Ça te coupe du combat. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est aller au bout de la logique. Il y a aussi quand même, dans le courant punk, une volonté d'anticonformisme. Et là, en fait, on fait comme tout le monde. On se bourre la gueule comme nos parents. On prend de la drogue comme les vieux des années 60. Il y a une volonté à un moment de se positionner en disant « non, on va au bout de la logique ». Et le bout de la logique, ça veut dire on a vu des mecs se bourrer à la bière pendant des années et des années dans nos familles, et puis nous, on fait pareil. Je pense qu'à un moment, c'est ça aussi, la prise de conscience. Stop, on arrête. Y compris pour la sexualité. C'est-à-dire, quand tu vois la sexualité dans une société pudibonde, elle est partout. Elle est partout masquée, mais elle est partout. Et elle est partout problématique. Et de fait de se couper justement de ces problématiques, ça permet de s'ouvrir aux autres. On fait ce qu'on veut, mais on va pas se laisser détruire par le truc. Et pour pas se laisser détruire par le truc, on va arrêter tout ça. Ce qui résonne là, je trouve, c'est cette idée que l'absence de sexualité peut être un geste politique, quoi. On va considérer finalement l'abstinence comme une arme, non ? Ouais, c'est pas juste un choix individuel, intime. C'est quelque chose qui a une résonance sur l'ensemble de leur milieu, d'une part, mais de la société dans son ensemble. C'est ça qui est intéressant. C'est que on n'est pas juste abstinent, ou je sais pas quel terme finalement est bon concernant les straight edge. On n'est pas juste abstinent pour soi. On l'est pour l'ensemble de sa communauté. Mais quelque part, cette histoire de politisation de l'absence de sexualité, on le retrouve aussi un peu chez les asexuels. Oui, les asexuels. Ce qui est intéressant, il y a une association en France qui s'appelle l'Association de visibilité des asexuels, qui associe le fait de rendre visible son asexualité à un geste révolutionnaire. Ils le disent dans leur manifeste. Ils disent « l'asexualité, l'asexualité, est une orientation qui redéfinit totalement notre vision des relations interpersonnelles. Elle renverse la hiérarchie des relations qui place en position privilégiée le couple romantique et sexuel. En cela, disent-ils, l'asexualité, l'asexualité, est une orientation éminemment politique et même révolutionnaire. » Ils le disent. Estance Delclos-Hamon, responsable de l'Association pour la visibilité asexuelle. Estance, qu'est-ce que c'est que la sexualité ? La sexualité est une orientation sexuelle dont la définition est assez complexe, mais qu'on résume souvent au fait qu'une personne asexuelle est une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle envers une autre personne. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de militer quand on est asexuel ? On n'a pas besoin de militer parce qu'on est asexuel, on a besoin de militer parce que la société nous dit qu'on ne peut pas être asexuel. Et c'est pas juste qu'on ne peut pas être asexuel, c'est qu'on ne peut pas vivre une vie épanouie telle qu'on l'entend parce que ça ne cadre pas avec les attentes de la société. On va attendre de notre part de former certaines relations et une fois qu'on a formé ces relations, d'avoir certaines pratiques dans ces relations. Et quand ce qu'on fait ou ce qu'on veut faire ne colle pas, et ben, les gens s'inquiètent. Ils se disent pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas et on est souvent redirigé vers des professionnels de santé, donc ça va être endocrinologue, gynécologue, psychiatre, sexologue, psychologue. Il y a beaucoup de personnes qui, à qui on a prescrit des hormones ou des antidépresseurs ou à qui on fait des examens médicaux non nécessaires pour chercher une cause biologique à quelque chose qui n'est pas une pathologie. Et donc, ils vont essayer de guérir quelque chose qu'il n'y a pas à guérir. Quand on me demande est-ce que je pourrais aller voir un psy ou un sexologue ou un psychiatre pour parler de mon asexualité, je déconseille. Parce que je sais que généralement, ça se passe mal et que j'ai pas d'adresse de personne qui soit bienveillante. Enfin, ça n'existe pas encore. Donc, on est à un stade où il y a besoin d'en parler médiatiquement pour que, tout simplement, ça ne soit pas quelque chose d'assimilé à une maladie. C'est triste à dire, mais c'est vraiment ça notre enjeu. C'est quoi le profil type de l'asexuel ? Est-ce qu'il y en a un ? Et ça représente combien de personnes ? La plupart des personnes ne savent pas qu'elles sont asexuelles pour une raison simple, c'est que c'est difficile de savoir que vous n'avez pas quelque chose que les autres ont. Moi, quand j'ai grandi, je me suis pas dit « Tiens, les autres ont cette chose mystérieuse appelée attirance sexuelle, et moi, je ne l'ai pas. » Et donc, en fait, c'est à force de voir leurs réactions, leurs propos, de voir que ça correspondait pas du tout à moi ce que je disais, à moi ce que je pensais, que j'ai fini par comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ce qu'on sait, c'est que moi je connais des communautés de personnes asexuelles dans au moins 30 pays différents. On a assez peu d'enquêtes parce que malheureusement, le terme étant peu connu, toutes les personnes qui pourraient se dire asexuelles ne savent pas forcément qu'elles rentreraient dans cette catégorie et donc elles ne peuvent pas dire qu'elles sont quelque chose qu'elles ne savent pas qu'elles sont. Et donc ce qu'on a comme chiffre, c'est en 2004 une enquête qui fixait le nombre de personnes asexuelles dans la population britannique à 1%. Et les enquêtes plus récentes de GLAAD, l'association américaine, là le chiffre de personnes asexuelles montait jusqu'à 2 ou 4%. Probablement qu'avec le temps, on aura une idée plus précise. Pour l'instant, on ne peut pas faire mieux que dire que c'est entre 1 et 4% de la population. L'asexualité n'a aucune affiliation spirituelle, religieuse, psychologique ou autre. Il y a des personnes asexuelles de toutes les religions à ma connaissance. Mais enfin, en gros, quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la communauté asexuelle, c'est que on sort rarement dans les bars le soir, on va pas trop en boîte de nuit, enfin, il y en a, hein, mais beaucoup moins. On se retrouve souvent les après-midi, on mange des gâteaux et on boit du thé, parce que en fait, il y a beaucoup de la sociabilité adulte qui est centrée autour des rapports sexuels, et du coup, en fait, à partir du moment où on n'entre pas là-dedans, on s'inflige pas tout un tas de trucs, quoi. Est-ce que tu penses que le fait d'être asexuel modifie ton rapport au monde ? Dans le sens où est-ce que la plupart des signaux qu'on peut retrouver, des signaux sexuels, des signaux de séduction, est-ce que tu vis cette sensation d'étrangeté par rapport au monde ? Absolument. À partir du moment où on n'est plus une partenaire sexuelle potentielle, pour beaucoup de gens, on perd notre intérêt donner à quelqu'un accès à son corps, c'est se donner et lui donner du pouvoir, entre guillemets. Enfin, c'est, je sais pas comment bien le dire, mais si on sort de cette relation-là, si on sort de ce cadre, pour beaucoup de gens, ça les intéresse plus. C'est comme si nous, on disait, moi, j'ai pas de sous et je t'en donnerai pas. Et tu peux pas m'en donner. Enfin, je fonctionne pas avec cette monnaie d'échange-là, en fait. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre de la rupture de paradigme qui fait que on n'interagit pas avec de la société de la même manière, on considère pas le bonheur de la même manière, le fait d'être une personne accomplie, épanouie de la même manière, et sur un truc qui est pas très important en fin de compte, mais malheureusement tellement de gens le placent en haut sur la liste que ça devient quelque chose de fondamental à leurs yeux. Je suis à la fois asexuelle et aromantique, je pense être les deux en tout cas. Asexuelle dans le sens où je suis pas quelqu'un qui ressent d'envie d'avoir des relations sexuelles, c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout présent dans ma vie ou extrêmement peu. Et également aromantique dans le sens où je n'ai pas l'envie d'être en couple avec des gens. Mélanie Fazi, autrice. J'ai publié ce livre qui s'appelle « Nous qui n'existons pas » au départ. C'est parti d'un billet de blog que j'ai écrit à un moment donné sur le fait d'être une personne qui n'a pas de, je dirais en schématisant, de pulsion de couple. Je finis par dire que maintenant je suis asexuelle, mais à l'époque je n'avais pas de mots du tout pour dire ce que j'étais. Je n'avais jamais rien lu sur le sujet. J'avais 40 ans et je commençais à me rendre compte que j'étais pas une anomalie isolée, on va dire. Et ce billet de blog, en fait, a atteint énormément de gens qui sont venus me dire qu'ils étaient comme moi. Et là, je me suis rendu compte qu'un billet de blog, c'était pas assez. Donc vraiment, dans la foulée, j'ai écrit un livre qui est sorti tout seul. Vraiment, il a jailli en une seule fois. Donc c'était à la fois moi, parce que je ressentais le besoin d'écrire sur ça, et cette espèce d'étonnement de comment c'est possible qu'on m'ait fait croire pendant 40 ans que j'étais une anomalie, alors que là, des dizaines de personnes viennent me dire, des gens que je connaissais même parfois depuis longtemps, viennent me dire, mais tu sais quoi, moi aussi je suis comme toi, mais j'osais pas en parler. C'était important pour toi de poser des mots, c'est-à-dire se définir comme asexuel, trouver un terme? Je me suis heurtée beaucoup à l'idée que beaucoup de gens ont une méfiance vis-à-vis des étiquettes, et disent à chaque fois, c'est quelque chose qu'on invente pour s'enfermer, et ça sert vraiment à rien. Alors que moi, mon expérience, c'est au contraire que ce qui m'a manqué pendant 40 ans, c'est d'avoir un mot. Même le mot asexuel, je l'ai découvert très tard. J'ai mis longtemps à être sûre que ça me décrivait. Je ne m'y reconnaissais pas trop au départ. Moi, c'était la pulsion de couple, vraiment. L'absence de pulsion de couple que je ne savais pas comment expliquer. Et le problème pour moi, c'est que tant qu'il n'y avait pas de mots pour ça et de concept, en fait, s'il n'y a pas de mots, je ne peux pas savoir qu'il y a d'autres personnes comme moi. À partir du moment où ça a un nom, ça existe aux yeux du monde, ça existe aux yeux des gens, et c'est une carte de visite, quelque part, que je peux donner. Alors qu'avant ça, les gens ne me croyaient pas vraiment. C'est tellement ancré dans l'esprit des gens qu'on ne peut pas vivre sans vie amoureuse et sexuelle, qu'ils s'imaginaient qu'il y avait quelque chose derrière. Je vois chez des gens, par exemple, la sexualité, je vois que c'est vraiment une force qui les pousse vers les autres, qui les pousse dans la vie, qui les pousse à rechercher des choses. Moi, c'est quelque chose qui est là de temps en temps, mais c'est pas central. Si le monde entier ne passait pas son temps à m'y renvoyer, voilà, le sujet n'existerait pas plus que ça pour moi. Et ça, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il n'y a pas un manque, il n'y a pas un... Je ressens pas ça en négatif, c'est tout simplement les choses sont comme ça. Et ça a créé beaucoup de malentendus dans les relations. Tu parlais d'anomalie tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, on ressent cette anomalie? Comment ça se manifeste? Moi, la sensation vraiment avec laquelle j'ai grandi d'être anormale, ça c'est peut-être apparu à l'adolescence et devenu très fort à partir de 20 ans. Notamment adolescente, les gens autour de moi ne me voyaient pas m'intéresser justement aux garçons, ni aux filles d'ailleurs, mais on focalisait sur les garçons. Ne me voyait pas manifester d'intérêt pour ça et de temps en temps me demander mais vraiment t'es sûr, il y a vraiment personne qui te plaît, il y a vraiment personne qui t'intéresse. Et il y a cette insistance qui fait qu'au bout d'un moment on se dit mais je vois que tout le monde est intéressé par ça et moi pas, c'est bizarre quand même. Et je pense que ce qui m'a fait beaucoup de mal aussi, c'est l'absence de représentation de personnes comme moi dans les médias ou dans la fiction. Moi, toute ma vie, j'ai cherché des personnages de fiction auxquels je puisse m'identifier, qui soient comme moi. Et tous les personnages féminins finissaient toujours dans une histoire d'amour. Mais toujours, toujours, toujours. Il y avait une recherche de relations amoureuses ou de relations sexuelles, mais il y avait toujours ça dans toutes les histoires. Et au bout d'un moment, ça envoie vraiment un message écrasant qui est « Bon, il n'y a que toi qui es comme ça, donc forcément, c'est pas normal. » Mais sinon, dans ce que je vois des personnes autour de moi, il y a une forme de presque de malentendus. Je n'arrive pas à comprendre en fait leur fonctionnement. Ça m'intéresse. Je vais pas être gênée, par exemple, que des personnes parlent de sexualité autour de moi ou tout ça. C'est pas du tout ça. Mais il y a une vraie étrangeté. Et j'écoute mes amis, par exemple, en parler entre elles. Et j'ai presque une curiosité de presque comme si j'étais avec une autre espèce. En fait, ça a l'air intéressant, mais je comprends pas comment ça marche du tout. Il y a un sentiment de des fois de pas comprendre pourquoi, de mon point de vue, en sachant que c'est pas ça pour les personnes en face, mais pourquoi on se complique la vie avec ça, en fait. Parce que moi, dans mon fonctionnement à moi, l'ambiguïté m'a l'air de compliquer les relations entre les gens. Par exemple, si on me drague, tu n'arrives pas à décoder les signaux. J'ai mis longtemps à comprendre, adolescente, tout ce qui tournait autour de la sexualité telle que je la voyais chez les autres. Et je pense que j'ai mis longtemps à comprendre la notion d'ambiguïté, à vraiment la reconnaître. C'est-à-dire que je suis capable de reconnaître certains signes, mais pas de manière extrêmement évidente. Des gens m'ont dit d'ailleurs avec le recul qu'ils ont essayé de me draguer, que je ne m'en suis pas rendu compte. Donc je pense que j'ai un petit peu un angle mort à cet endroit-là. Et du coup, j'ai aussi un soulagement de me dire, maintenant que le sujet est sur la table, des personnes à qui j'ai pu faire du mal, justement, sans m'en rendre compte, peuvent comprendre que, ben non, c'était pas personnel ou c'était pas contre eux. Je trouve ça beaucoup plus simple. Je pense que les gens, maintenant, sachant que je suis pas intéressée par tout ça, ça simplifie tout. Comment est-ce que tu expliques toutes les passerelles qui existent entre le queer, le féminisme pro-sexe aussi, et les asexuels ? Pendant longtemps, moi, je me suis sentie très très loin de toutes les questions queer et autres. Alors que je connaissais des personnes concernées autour de moi, ça m'intéressait pour elles, et ça me paraissait très abstrait. Et c'est du jour où j'ai pris la parole sur le sujet, je me suis aperçue que les personnes avec qui j'avais eu les conversations quelque part les plus intimes, autour de moi, c'était notamment des amies qui étaient lesbiennes. Et je me suis rendu compte que bien qu'en ayant quand même des expériences a priori extrêmement différentes, on avait finalement un endroit où on se retrouvait, c'était l'expérience de l'étrangeté. C'est-à-dire d'être dans un monde qui n'est pas, dans sa majorité, qui n'est pas conçu pour nous ou qui ne tient pas compte de nous comme étant une donnée essentielle, on va dire. Donc on est tout le temps à devoir rectifier les attentes des gens. Je pense que beaucoup de femmes, notamment qui sont lesbiennes, doivent, on va leur poser des questions sur leur copain, par exemple, avant de se poser la question si elles ne sont pas en couple avec une femme. De la même manière que moi, on va projeter sur moi que forcément je dois être en couple. Et il y a aussi la question du coming out, en fait. La question de est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, c'est quelque chose qui est assez central, en fait. Donc je me suis aperçue qu'au-delà des apparences, on pourrait dire c'est vraiment deux sujets complètement différents, on se rejoint sur certaines expériences. Sur l'étrangeté d'une part et sur la question de prendre conscience qu'en fait on nous a fait croire qu'on était extrêmement minoritaire et on s'aperçoit avec le temps qu'en fait, on n'est vraiment pas tant que ça. C'est intéressant cette histoire d'étrangeté, je t'avoue que je commence à ressentir ça un peu aussi. Et toi tu trouves que ça a changé quelque chose dans ton rapport aux autres ? Je ne sais pas vraiment, ça a plutôt changé des choses dans mon rapport de moi à moi, parce que après avoir écouté tout ça, et malgré maintenant le fait qu'on atteigne 5 mois d'abstinence, je peux te dire que je ne suis pas sûr d'être si pressé que ça de reprendre. Je crois que je vais réfléchir encore un peu. L'absence de sexualité, une anomalie sociale. Avec Sophie Fontanelle, Juliette Dragon, Olympe Degé, Philippe Brenaud, Daniel Borillo, Philippe Lyotard, Estance Delclos-Hamon et Mélanie Fazi. Prise de son, Stéphane Beaufis, Bruno Mourlan. Coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Carvan. Vivre sans sexualité, une série d'Ovidie et Tancrède Ramonet, réalisée par Séverine Cassard. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien pour nous écouter au lieu de faire l'amour, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, des vertus de l'abstinence.